jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour à vous tous, nous sommes le 26 mars 2020. Voici les grands titres de cette édition. Le gouvernement burundais est très remonté contre des initiatives isolées et hâtives de prévention contre le coronavirus, contraire à celles prises par le gouvernement. Vous entendrez un extrait de la déclaration sortie ce mercredi à ce sujet. Un numéro vert est désormais disponible pour dénoncer des cas de malversation à la commission spéciale ad hoc chargée de suivre les questions clés et sensibles pendant la période préélectorale et pendant les élections. Et c'est le 300. Vous entendrez d'autres précisions du président de cette commission. Pénurie de sucre à Bujumbura dans les alimentations visitées par nos reporters. Les commerçants disent que ça va faire 2 semaines et plus qu'ils ne trouvent pas où s'approvisionner en quantité pouvant satisfaire la demande. Et en actualité internationale et sous-régionale, Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, c'est le conseiller de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Il est décédé du coronavirus et il s'agit de la troisième personne à mourir des complications dues au Covid-19 dans ce voisin de l'Ouest. Et voilà pour le sommaire. Rebonjour. Le gouvernement burundais met en garde tout Burundais ou étranger lui dévançant dans la mise en place des mesures de prévention de la pandémie coronavirus, contraire à celles prises par le gouvernement. Dans une déclaration que le secrétaire général et porte-parole du gouvernement a sortie ce mercredi, il a donné l'exemple de la fermeture des écoles françaises et belges à Bujumbura. Prosper Naruwamiye déclare que le fait qu'aucun cas n'est pas encore signalé au Burundi ne signifie pas que le pays dispose d'expertise exceptionnelle de prévention. Suivez-le. Au nom du peuple burundais et au nom de toutes les personnes vivant au Burundi, le gouvernement de la République du Burundi remercie le bon Dieu Tout-Puissant qui a protégé le Burundi car jusqu'à présent, aucun cas de coronavirus n'a été constaté ou signalé sur tout le territoire national du Burundi. Le Burundi n'a pas d'expertise exceptionnelle de prévention et de lutte contre le coronavirus par rapport à d'autres pays où ce virus est déjà signalé. Seule la grâce de Dieu a protégé le Burundi. Le gouvernement de la République du Burundi demande à la population de ne pas baisser la garde et de continuer à mettre en application les mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus déjà prises par le gouvernement et d'autres mesures progressives éventuelles qui seront prises. Le gouvernement de la République du Burundi saisit cette opportunité pour mettre en garde toute personne, que ce soit un Burundais ou un étranger, qui, pour différentes raisons sournoises de désorientation et de manipulation de l'opinion, dévance le gouvernement de la République du Burundi en prenant des mesures hâtives, extrêmes, unilatérales, contraires à celles déjà prises ou non encore prises par le gouvernement. L'on citerait, à titre d'exemple, les mesures de fermeture de l'école belge et de l'école française de Bujumbura, etc. Pour des comportements pareils ou similaires, le gouvernement de la République du Burundi confirme qu'il se réserve le droit de prendre des mesures appropriées et relatives qui s'imposent le moment opportun. Le gouvernement de la République du Burundi dénonce certaines mauvaises langues ou oiseaux de mauvaise augure qui propagent des rumeurs sur différents réseaux sociaux ou médias en ligne que le Burundi n'a pas de matériel pour tester ce virus ou que le gouvernement du Burundi cache à l'opinion que le virus est déjà signalé au Burundi. Prosper Naruwamiye, c'est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement dans ce journal. Nous vous proposerons également l'état des lieux du suivi des mesures de prévention contre le coronavirus, notamment dans les zones Mugisa et Rohero. Mais avant cela, plus de 1600 Burundais adeptes de Zebi Ngendakumana rentrés et refoulés dernièrement de la République démocratique du Congo pour séjour irrégulier dans ce pays ont été regroupés dans un centre de transit situé en province Rumonge. Le directeur général du rapatriement indique que ce cantonnement vise la rééducation civique de cette catégorie de population qui, selon lui, a perdu les valeurs burundaises. Et surtout, il s'agit aussi de vérifier leur état de santé suite à la pandémie du coronavirus. Nestor Bimenyimana fait savoir que ces Burundais ont été accueillis en deux phases. Ces adeptes étaient composés des enfants, des femmes, des vieux, mais aussi des jeunes hommes. Ils étaient aujourd'hui, on a aux environs 2700. À l'accueil, ils étaient vraiment fatigués. Ils étaient dans un état critique parce que c'est une catégorie de gens qui n'ont mangé de n'importe quoi et n'importe comment. Alors, cette vie de sélectionner la nourriture, c'est une vie vraiment très dure, étant donné qu'ils étaient dans un pays qui n'est pas le leur. À l'accueil, le gouvernement a pris la décision de les garder pour des raisons. D'abord, il y a la raison de prévenir contre la propagation et la contamination du virus corona, mais aussi pour des raisons de désintoxiquer ces adeptes des Ebingé Ndakoumana, parce que maintenant, ils ont complètement acculturé, ils ont perdu vraiment la culture burundaise. Alors, on va prendre un bon temps pour les désintoxiquer, pour subir une formation patriotique, mais bien pour conscientiser les enfants qui ont quitté les écoles. On va essayer de voir comment ils peuvent retourner à l'école. Maintenant, ils sont logés à Lumongue, en commune Lumongue. Nous avons cherché un centre qui peut les héberger. Ils sont sous contrôle du gouvernement et aussi sous contrôle médical pour éviter qu'il y ait la propagation du virus corona. Et dans l'actualité, le sucre n'est pas disponible dans certaines alimentations et supermarchés du centre-ville de Bujumbura. Là où nos reporters sont passés ce jeudi, certains commerçants nous ont affirmé qu'ils viennent de passer entre deux semaines et un mois sans trouver où s'approvisionner. D'autres disent que même s'ils parviennent à en trouver, ils reçoivent des quantités trop insuffisantes pour satisfaire la demande. Reportage Armel Mutore. À l'alimentation du midi, devant le parking des bus de transport Vega Seigne et Gihosha, où nous sommes passés en premier lieu, le caissier nous a dit qu'il vient de passer plus de deux semaines sans trouver de sucre. La situation est la même à l'alimentation Le Bugé, qui est située en face du Palais des Arts et de la Culture de Bujumbura. Nous nous sommes ensuite rendus à l'alimentation de la station dite Kwakatikati, sur la route Rumonge. Là, on nous a dit que le sucre sera disponible le soir à 2400 francs le kilo. Sur la même route, à l'alimentation Safeway Supermarket, et l'alimentation Umucho Market Company, ils nous ont dit que deux semaines viennent de passer sans avoir de sucre. Ils nous ont indiqué que nous pouvons revenir début avril vers le 5. L'autre endroit où nous sommes rendus est à la boutique de la coopérative Sangwe de la zone Rohero, devant les kiosques de la Braroudi de l'ancien marché central. Le boutiquier nous a dit qu'il vend le sucre à 2500 francs le kilo, mais qu'il sera disponible le soir. La même réponse nous a été donnée à l'alimentation Buy and Save, située au boulevard de Luprona en face du siège de la société et connaître Léo. Dans toutes les alimentations que nous avons visitées, les caissiers se sont réservés de nous dire l'endroit où ils s'approvisionnent en sucre. Armel Motoré, dans l'entretien au ministère du Commerce, rassure que le sucre produit par la Sosumo est suffisant pour satisfaire le marché local et ne cesse de mettre en garde contre les spéculateurs. Et le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage appelle la population à protéger le lac Tanganyika et les sources d'eau afin de préserver l'environnement. Cet appel est du secrétaire permanent à ce ministère ce jeudi lors de la célébration de la Journée internationale de l'eau potable couplée avec celle des zones humides. Emmanuel Ndorimana dit que les activités de protection de l'environnement est une affaire de tous. On l'écoute. Nous avons célébré cette journée pour s'associer au monde entier pour célébrer des journées. D'abord, la journée mondiale de l'eau, célébrée chaque année le 22 mars, mais aussi célébrée la journée des zones humides, célébrée chaque année le 2 février. Nous avons célébré ces deux journées pour sensibiliser notre population, pour montrer au public, pour montrer à notre population l'importance de protéger la ressource eau, pour montrer si rien n'est fait, la ressource eau que nous avons peut diminuer et des conséquences qui peut suivre, ce sont des conséquences néfastes pour la vie de l'homme, pour la vie végétale, d'une façon générale, pour la vie du pays. L'eau est à la base des changements climatiques. Si il y a des changements climatiques, on observe la sécheresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Soit on observe les inondations. Ça, c'est les bassins versants qui ne sont pas protégés. Alors, pour faire face à ces effets, le gouvernement du Burundi a d'abord mis en place une loi, le Code d'Oro. Dans le Code d'Oro, il y a des articles qui montrent les zones tampons de lacs et de rivières. En plus de cette loi, le gouvernement du Burundi a mis en place une ordonnance interdisant la plantation des arbres absorbant beaucoup d'eau autour des sources d'eau et autour des marais. En plus de ça, le gouvernement de Burundi a institué une journée de l'environnement pour que cette journée soit une journée dédiée à la protection de l'environnement. Un appel que je peux lancer aux riverains du lac Tanganyika, mais aussi à toute la population burundaise, c'est de protéger la ressource eau. D'abord, éviter de jeter des déchets dans le lac Tanganyika. Éviter de construire dans les zones tampons. Je vous l'avais annoncé tantôt, nous vous proposons un reportage sur l'observance des mesures de prévention contre le Covid-19 en zone Guiza et Herohero. Certains habitants de ces zones disent avoir déjà observé ces mesures en se lavant fréquemment les mains à l'eau et au savon dans leur ménage. Néanmoins, d'autres affirment qu'ils n'ont rien changé dans leur comportement hygiénique. C'est un reportage de Fidèle d'Antoine Savimane. En zone Guiza, où plusieurs ménages vivent dans une même parcelle, certains habitants affirment que les règles d'hygiène pour éviter la contamination de coronavirus ne sont pas observées chez eux, comme le dit ce jeune homme qui habite sur le 6e avenue. Sauf si nous nous promenons au centre-ville, là où les mesures d'hygiène sont observées. Ici, dans nos ménages, nous vivons comme à l'accoutumée. Nous nous saluons dans notre culture, nous aimons se saluer. À la 8e avenue, au contraire, dans une parcelle qui héberge 6 familles, ils affirment bel et bien que les mesures d'hygiène sont observées. Cet homme habite dans cette parcelle. Il arrive que tu entres sans toutefois se souvenir de se laver les mains. Mais si nous sommes tout prêts, nous vous rappelons qu'il faut se laver les mains avant d'entrer. Cette femme nous a révélé ce qu'elle fait pour protéger son enfant de 8 mois. Si je sens un peu de la grippe et quand je veux tousser, je mets à côté l'enfant avant d'aller tousser ou me moucher loin de lui. Certains parents rappellent à leurs enfants les bonnes habitudes visant la prévention de COVID-19, comme le dit cette adolescente de la 8e avenue. Toujours là où je suis, je me mets à l'écart. Maman nous a dit qu'il est interdit de se serrer les mains. Au quartier Rohero 2, nous avons interrogé certaines familles qui vivent seules dans une parcelle qui affirment avoir observé les mesures d'hygiène. Hors de nos micros, ces familles disent que chaque enfant est muni d'un détergent, même à l'extérieur de la maison. D'autres nous ont dit qu'ils sont arrivés à séparer leurs enfants dans les chambres à coucher. Fidèle d'Antoine Sabiman, le taux des contribuables a légèrement diminué de 20%. Cela a été dit par Godelive Ndayizeye, chef du département des impositions à mairie de Bujumbura. Godelive Ndayizeye appelle les contribuables à payer les impôts et taxes avant la fin de la période prévue. Quant aux contribuables, ils disent que le manque de moyens les pousse à ne pas payer les impôts et taxes comme il se doit. Adrien Dimurukundo. Arrivé au bureau de la mairie de Bujumbura, il s'observe une fois déjà venu pour payer les documents d'impôts fonciers et taxes. Certaines personnes qui se sont entretenues avec la radio Isanganilo disent qu'ils viennent tardivement suite au manque de moyens financiers. Ils demandent aux autorités de la mairie de Bujumbura d'augmenter le personnel pour que ce travail soit facile et rapide. Nous sommes satisfaits d'un côté, mais de l'autre pas non plus, parce que vous voyez qu'il y a un surnombre. Le travail de la mairie ne s'en sort pas. Mais moi, je suis venu un peu tardivement parce qu'il y a un manque de sensibilisation de la part de la mairie parce qu'il y a des contribuables personnes physiques et des contribuables personnes morales. Godelieve Ndayizeye, chef du département des impositions à mairie de Bujumbura, disait que le taux des contribuables a diminué de 20%. En faisant une comparaison des deux exercices fiscaux 2019 et 2020, pour cette année, nous avons remarqué un mouvement exceptionnel de déclarant. Contrairement à l'exercice 2019, nous constatons que l'effectif de déclarant a légèrement baissé d'un taux de 20%. Godelieve Ndayizeye dit que le nombre peut augmenter du fait que les contribuables ont l'habitude de payer tardivement et appellent ces derniers qui n'ont pas encore payé les impôts de le faire dans les meilleurs délais. J'invite aux contribuables qui n'ont pas encore souscrit leur déclaration, de venir leur déclaration à l'impôt foncier et aux autres taxes, de venir le faire le plus tôt possible pour éviter les sanctions prévues par la loi en la matière, comme le paiement des amendes. L'année passée, le nombre de contribuables était de 36 181, au moment où cette année, le nombre de contribuables est de 28 842. Et tout citoyen burundais est appelé à dénoncer des cas de malversation à la commission spéciale ad hoc chargée de suivre les questions clés et sensibles pendant la période préélectorale et pendant les élections à travers le numéro vert 300. Lors d'une déclaration à la presse de ce jeudi, Élisée Ndaye, président de cette commission, a dit qu'il a été constaté que pendant cette période des élections, certains responsables affichent un comportement anormal et se livrent à des actes de malversation. Suivez-le. Au niveau de l'administration, ce comportement se manifeste par l'absentéisme ou l'indisponibilité au service pendant cette période. Le recrutement d'un personnel sans budget prévu dans le domaine foncier. Ce comportement se manifeste par l'attribution des terres par l'autorité non habilitée. Au niveau des finances publiques, la mise en place des commissions inopportunes à rémunérer alors qu'il n'y a pas beaucoup de travail pendant les élections. La création de dépenses non prévues dans le budget. Les dépenses effectuées à un rythme anormal dans les achats, le carburant, les garages qui cachent en détournement. Le fait d'effectuer des dépenses pour des activités non réalisées comme le personnel fictif, ce qui constitue un détournement. Le fait d'effectuer des paiements au bénéfice des personnes ou des sociétés fictives. Le phénomène de Quitequerra se manifeste dans les modes de passation des marchés entachés d'abus et de violations de la réglementation. Nous voudrions aussi vous demander de porter cette information à la connaissance du public pour que les citoyens, chacun là où ils se trouvent, puissent dénoncer ces cas de malversation. Les dénonciateurs peuvent contacter les membres de la commission sur le numéro vert 300. Ils peuvent aussi passer par le numéro WhatsApp 257 68 29 56 26 ou envoyer un message sur l'adresse email adhoc.commission2020@gmail.com. Nous demandons toutefois aux dénonciateurs de ne donner que des informations fiables et non des rumeurs car la commission va procéder à ses propres vérifications. Un dénonciateur qui fournira une information permettant de protéger les biens de l'État pourra percevoir un intéressement, tandis que le propagateur de rumeurs sera traduit en justice. C'était Élisée Ndaye, président de cette commission ad hoc. Et avant de parler des femmes, quelques nouvelles brèves nationales et internationales. 16 bidons de 20 litres pleins de carburant de type mazout et d'autres vides, ainsi que 146 sacs de ciment de type Tembo, ont été saisis le matin de ce jeudi en ville de Kayanza, dans une maison d'habitation d'un certain Elias Simbizi. Deux personnes ont été arrêtées pour enquête dans cette affaire. Le commissaire provincial chargé de la police judiciaire à Kayanza indique que ces objets ont été saisis parce qu'ils se commercialisaient frauduleusement et qu'ils étaient conservés dans une maison d'habitation. OPC de Jean-Claude Misero demande à la population de Kayanza de toujours dénoncer ces cas de fraude car, explique-t-il, la fraude ruine l'économie du pays. Et en international, Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, conseiller de Félix Tshisekedi, est décédé du coronavirus. Il s'agit de la troisième personne à mourir des complications dues au Covid-19 en République démocratique du Congo. Avocat respecté et activiste des droits de l'homme, collaborateur du président Félix Tshisekedi, Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba était en effet le chef par intérim du conseil consultatif juridique du président Tshisekedi. Il est probable qu'il ait contracté la maladie respiratoire lors d'un voyage en France pour un contrôle médical. Rappelons que le président congolais Tshisekedi a décrété mardi l'état d'urgence sanitaire dans le pays en annonçant une série de mesures, notamment l'interdiction de voyage de Kinshasa vers l'intérieur du pays et vice-versa, ainsi que la fermeture de toutes les frontières afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Et la chanteuse franco-malienne Rokia Traoré a été libérée ce mercredi 25 mars en France, incarcérée depuis le 10 mars à la prison de Fleury-Mérogis. Elle avait entamé une grève de la faim pour dénoncer la violation de ses droits de mère et la partialité de la justice belge. En conflit autour de la garde de sa fille avec le père de celle-ci est à l'origine de cette affaire. En effet, la chanteuse malienne était visée par un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'instruction de Bruxelles pour enlèvement, séquestration et prise d'otage qui découle du non-respect d'un jugement rendu fin 2019 exigeant de Mme Traoré la remise de sa fille de 5 ans à son père belge, dont Rokia Traoré. Et c'est pareil. Parlons femmes. Enfin. La femme joue un rôle important dans le maintien de la paix et la sécurité avant, pendant et après la période électorale. Propos des femmes de la colline Gihamagaram, commune Itaba de la province Gitega. Ces femmes expliquent que si la femme néglige son rôle, cela peut entraîner l'insécurité qui par conséquent handicape le développement familial. Quant à Marie-Concé Sabaroui, qui est coordinatrice de l'association des femmes rapatriées du Burundi, la femme doit maintenir la paix et la sécurité avant, pendant et après la période électorale afin d'atteindre le développement durable. Vestine Boutoyi a rencontré ces femmes à Gihamagara. Josephine Izigimana est l'une des femmes rencontrées sur la colline Gihamagara de la commune Itaba en province Gitega. Il affirme que le rôle de la femme dans le maintien de la paix et la sécurité avant, pendant et après la période électorale est prépondérant en s'informant sur la situation pouvant perturber la paix et la sécurité. Je m'informe sur la situation qui prévaut dans la localité pour en faire détecter si il peut y avoir de l'insécurité. Et si c'est le cas, nous le transmettons à nos supérieurs en qu'ils aient nos secours au cas où nous sommes dans l'incapacité. Elle signale que les conflits entre les partisans des partis politiques sont souvent la cause de l'insécurité. Quand la femme ne s'implique pas dans l'affermissement de la paix et la sécurité et que ces dernières sont perturbées, ça se répercute sur le développement familial. Quand nous ne travaillons pas ensemble avec les hommes pour maintenir la paix et la sécurité et que malheureusement celle-ci est perturbée, ça affecte nos foyers. En plus, le développement n'existe pas quand on n'est plus chez soi à cause de l'insécurité. Salvatore Bakondo Kizé, conseiller de l'administrateur communal Itaba, chargé de l'administration et des affaires sociales, fait savoir que le rôle de la femme est dans le maintien de la paix et la sécurité est indéniable du fait qu'actuellement, les femmes se regroupent dans des comités mixtes de sécurité. Il dit qu'il l'affirme parce que maintenant, les femmes sont dans des comités mixtes de sécurité situés sur chaque colline. C'est pour dire qu'elles interviennent dans la résolution pacifique des conflits. Il ajoute que normalement, on ne peut rien faire sans impliquer la femme, étant donné qu'au Burundi, le nombre des femmes est élevé par rapport à celui des hommes. Quant à Marie Concé Sabaroui, coordinatrice de l'association des femmes rapatriées du Burundi, Afrabo en sigle, la femme doit militer pour la paix et la sécurité avant, pendant et après la période électorale afin d'atteindre le développement durable. Vestine Boutoyi, et c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Charles Makoto pour la réalisation de ce journal qui a été mis en onde par Albert Ndouayo. Micro Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.